Grande Islande, chapitre 23. Oui, l'on peut bien montrer à l'œil éploré de l'amant fidèle l'objet éloigné de son idolâtrie. Mais, hélas, les scènes de l'attente, des adieux, les pensées, les souvenirs doux et amers, les rêves enchanteurs des êtres qui aiment, qui peut les rendre ? Mathurin Bertram. Cependant, l'aventureux ordinaire, après avoir 20 fois failli tomber dans sa périlleuse ascension, était parvenu sur le haut du mur épais et circulaire de la tour. À son arrivée inattendue, de noires chouettes centenaires, brusquement troublées dans leurs ruines, s'enfuirent d'un vol oblique, en tournant vers lui leur regard fixe, et des pierres roulantes, heurtées par son pied, tombèrent dans le gouffre en bondissant sur les saillies des rochers avec des bruits sourds et lointains. En tout autre instant, Ordener eut longtemps laissé errer sa vue et sa rêverie sur la profondeur de l'abîme, accrue de la profondeur de la nuit. Son œil, observant à l'horizon toutes ces grandes ombres, dont une lune nébuleuse blanchissait à peine les sombres contours, eut longtemps cherché à distinguer les vapeurs parmi les rochers et les montagnes, parmi les nuages. Son imagination eut animé toutes les formes gigantesques, toutes les apparences fantastiques que le clair de lune prête aux monts et aux brouillards. Il eut écouté de loin la plainte confuse du lac et des forêts, mêlée au sifflement aigu des herbes sèches que le vent tourmentait à ses pieds, entre les fentes des pierres. Et son esprit eut donné un langage à toutes ces voix mortes que la nature matérielle élève pendant le sommeil de l'homme et le silence de la nuit. Mais, quoique cette scène agite à son insu sur son être entier, d'autres pensées le remplissaient. À peine son pied s'était-il posé sur le faîte de la muraille que son œil s'était tourné vers le sud du ciel et qu'une joie indicible l'avait transporté en apercevant, au-delà de l'angle de deux montagnes, un point lumineux rayonner à l'horizon comme une étoile rouge. C'était le fanal de Munkholm. Ceux-là ne sont pas destinés à goûter les vraies joies de la vie, qui ne comprendront pas le bonheur qu'éprouva le jeune homme. Tout son cœur se souleva de ravissement. Son sein gonflé, palpitant avec force, respirait à peine. Immobile, l'œil tendu, il contemplait l'astre de consolation et d'espérance. Il lui semblait que ce rayon de lumière, venant au sein de la nuit du séjour qui contenait toute sa félicité, lui apportait quelque chose de son étel. Ah, n'en doutons pas, à travers les temps et les espaces, les âmes ont quelquefois des correspondances mystérieuses. En vain, le monde réel élève ses barrières entre deux êtres qui s'aiment. Habitants de la vie idéale, ils s'apparaissent dans l'absence. Ils s'unissent dans la mort. Que peuvent en effet les séparations corporelles, les distances physiques, sur deux cœurs liés invinciblement par une même pensée et un commun désir? Le véritable amour peut souffrir, mais non mourir. Qui ne s'est point arrêté 100 fois durant les nuits pluvieuses sous quelques fenêtres à peine éclairées? Qui n'a point passé et repassé devant une porte, erré avec délice autour d'une maison? Qui ne s'est point brusquement retourné de son chemin pour suivre, le soir, dans les détours d'une rue déserte, une robe flottante, un voile blanc tout à coup reconnu dans l'ombre? Celui qui ne connaît pas ses émotions peut dire qu'il n'a jamais aimé. En présence du fanal lointain de Munkholm, Ordener méditait. À sa première joie avait succédé un contentement triste et ironique. 1000 sentiments divers se pressaient dans son âme tumultueuse. « Oui, se disait-il, il faut que l'homme gravisse longtemps et péniblement pour voir enfin un point de bonheur dans l'immense nuit. Elle est donc là. Elle dort, elle rêve, elle pense à moi peut-être. » Mais qui lui dira que son ordinaire est maintenant triste et isolé, suspendu dans l'ombre au-dessus d'un abîme? Son ordinaire qui n'a plus d'elle qu'une boucle de cheveux sur son sein et une lueur vague à l'horizon. Puis, laissant tomber un coup d'œil sur les rayons rougeâtres du grand feu allumé dans la tour qui s'échappait au dehors à travers les crevasses de la muraille, « Peut-être, murmura-t-il, de l'une des fenêtres de sa prison, jette-t-elle un regard indifférent sur la flamme lointaine de ce foyer ?» Tout à coup, un grand cri et un long éclat de rire se firent entendre, comme au-dessous de lui, sur le bord de l'abîme. Il se détourna brusquement et vit l'intérieur de la tour désert. Alors, inquiet pour le vieillard, il se hâta de descendre. Mais à peine avait-il franchi quelques marches de l'escalier qu'un bruit sourd, pareil à celui d'un corps pesant qui serait tombé dans les eaux profondes du lac, monta jusqu'à lui. Chapitre 24. Le comte Don Sancho Diaz, seigneur de Saldana, répandait d'amères larmes dans sa prison. Plein de désespoir, il exhalait ses plaintes dans la solitude contre le roi Alphonse. « Oh, triste moment, où mes cheveux blancs me rappellent combien d'années j'ai passé dans cette prison horrible !» Romance espagnole. Le soleil se couchait. Ses rayons horizontaux dessinés sur la simarre de laine de Schumacher et sur la robe de crêpe d'Étel, l'ombre noire des barreaux de leurs fenêtres. Tous deux étaient assis près de la haute croisée en ogive, le vieillard sur un grand fauteuil gothique, la jeune fille sur un tabouret, à ses pieds. Le prisonnier paraissait rêver dans sa position favorite et mélancolique. Son front chauve et ridé était appuyé sur ses mains, et l'on ne voyait de son visage que sa barbe blanche qui pendait en désordre sur sa poitrine. « Mon père !» dit Étel, qui cherchait tous les moyens de le distraire. « Monseigneur et père, j'ai fait cette nuit un songe d'heureux avenir. Voyez, levez les yeux, mon noble père, regardez ce beau ciel !»« Je ne vois le ciel, répondit le vieillard, qu'à travers les barreaux de ma prison, comme je ne vois votre avenir, Étel, qu'à travers mes malheurs. » Puis sa tête, un moment soulevée, retomba sur ses mains, et tous deux se turent. « Monseigneur et père, reprit la jeune fille un moment après et d'une voix timide, est-ce au seigneur ordinaire que vous pensez ?»« Ordinaire, dit le vieillard, comme cherchant à se rappeler de qui on lui parlait. « Ah, je sais qui vous voulez dire. Eh bien, pensez-vous qu'il revienne bientôt, mon père ?» « Il y a déjà longtemps qu'il est parti. Voici le quatrième jour. » Le vieillard secoua tristement la tête. « Je crois que, lorsque nous aurons compté la quatrième année depuis son départ, nous serons aussi près de son retour qu'aujourd'hui. » Est-elle pâlie ? « Dieu, croyez-vous donc qu'il ne reviendra pas ?» Schumacher ne répondit point. La jeune fille répéta sa question avec un accent suppliant et inquiet. « N'a-t-il donc pas promis qu'il reviendrait ?» dit brusquement le prisonnier. « Oui, sans doute, seigneur, reprit Étel empressée. « Eh bien, comment pouvez-vous compter sur son retour ? N'est-ce pas un homme ? Je crois que le vautour pourra retourner au cadavre, mais je ne crois pas au retour du printemps dans l'année qui décline. » Étel, voyant son père retomber dans ses mélancolies, se rassura. Il y avait dans son cœur de vierge et d'enfant une voix qui démentait impérieusement la philosophie chagrine du vieillard. « Mon père, dit-elle avec fermeté, le seigneur ordinaire reviendra. Ce n'est pas un homme comme les autres hommes. « Qu'en savez-vous, jeune fille ? Ce que vous en savez vous-même, mon seigneur et père. « Je ne sais rien, dit le vieillard. J'ai entendu des paroles d'un homme qui annonçait des actions d'un dieu. » Puis il ajouta avec un rire amer, « J'ai réfléchi sur cela, et j'ai vu que c'était trop beau pour y croire. » « Et moi, seigneur, j'y ai cru, précisément parce que c'était beau. Oh, jeune fille, si vous étiez ce que vous deviez être, comtesse de Tonksberg et princesse de Volin, entourée, comme vous le seriez, d'une cour de beaux traîtres et d'adorateurs intéressés, cette crédulité serait d'un grand danger pour vous. Mon père et seigneur, ce n'est pas crédulité, c'est confiance. On s'aperçoit aisément, est-elle, qu'il y a du sang français dans vos veines. Cette idée ramena le vieillard, par une transition imperceptible, à des souvenirs, et il continua avec une sorte de complaisance. Car ceux qui ont dégradé votre père, plus qu'il n'avait été élevé, ne pourront empêcher que vous ne soyez fille de Charlotte, princesse de Tarente, et que l'une de vos aïeules ne soit Adèle ou Edèle, comtesse de Flandre, dont vous portez le nom. Est-elle pensait à tout autre chose. Mon père, vous jugez mal le noble ordinaire. Noble, ma fille, quel sens donnez-vous à ce mot? J'ai fait des nobles qui ont été bien vils. Je ne veux point dire, seigneur, qu'il soit noble de la noblesse qui se donne. Est-ce donc que vous savez qu'il descend d'un jarl ou d'un hersa? Footnote. Les anciens seigneurs en Norvège, avant que Grimfenfeld fondât une noblesse régulière, portaient les titres de hersa, baron, ou jarl, comte. C'est de ce dernier mot qu'est formé le mot anglais earl, comte. Je l'ignore comme vous, mon père. Il est peut-être, poursuivit-elle en baissant les yeux, le fils d'un serf ou d'un vassal. Hélas, on peint des couronnes et des lyres sur le velours d'un marchepied. Je veux dire seulement, d'après vous, mon vénéré seigneur, qu'il est noble de cœur. De tous les hommes qu'elle avait vus, Ordener était celui qu'Etel connaissait le plus et le moins tout ensemble. Il était apparu dans sa destinée, pour ainsi dire, comme ces anges qui visitaient les premiers hommes, en s'enveloppant à la fois de clartés et de mystères. Leur seule présence révélait leur nature, et l'on adorait. Ainsi Ordener avait laissé voir à Etel ce que les hommes cachent le plus, son cœur. Il avait gardé le silence sur ce dont il se vante assez volontiers, sa patrie et sa famille. Son regard avait suffi à Etel, et elle avait eu foi en ses paroles. Elle l'aimait, elle lui avait donné sa vie. Elle n'ignorait rien de son âme et ne savait pas son nom. « Noble de cœur !» répéta le vieillard. « Noble de cœur ! Cette noblesse est au-dessus de celle que donnent les rois. C'est Dieu qui la donne. » Il la prodigue moins qu'eux. » Ici, le prisonnier leva les yeux vers ses armoiries brisées en ajoutant « Et il ne la reprend jamais. » « Aussi, mon père, dit la jeune fille, celui qui garde l'une, se console-t-il aisément d'avoir perdu l'autre ?» Cette parole fit tressaillir le père et lui rendit son courage. Il reprit d'une voix ferme « Vous avez raison, jeune fille. » Mais vous ne savez pas que la disgrâce jugée injuste par le monde est quelquefois justifiée par notre intime conscience. Telle est notre misérable nature. Une fois malheureux, il s'élève en nous-mêmes, pour nous reprocher des fautes et des erreurs, une foule de voix qui dormait dans la prospérité. « Ne parlez pas ainsi, mon illustre père, » dit Etel profondément émue, car à la voix altérée du vieillard, elle sentait qu'il avait laissé échapper le secret de l'une de ses douleurs. Elle leva ses yeux sur lui, et, baisant sa main froide et ridée, elle reprit doucement. « Vous jugez bien sévèrement deux hommes nobles, le seigneur Ordener et vous, mon vénéré père. » « Vous décidez légèrement, est-elle. On dirait que vous ne savez pas que la vie est une chose grave. » « Ai-je donc mal fait, seigneur, de rendre justice au généreux ordinaire ?» Schumacher fronça le sourcil d'un air mécontent. « Je ne puis vous approuver, ma fille, d'attacher ainsi votre admiration à un inconnu, que vous ne reverrez jamais sans doute. »« Oh !» dit la jeune fille, sur laquelle ses paroles glacées tombaient comme un poids. « Ne croyez pas cela, nous le reverrons. N'est-ce pas pour vous qu'il va affronter ce danger ? » Je me suis, comme vous, je l'avoue, laissé prendre d'abord à ses promesses. Mais non, il n'ira pas. Et alors, il ne reviendra pas vers nous. Il ira, Seigneur, il ira. Le ton dont la jeune fille prononça ces mots était presque celui de l'offense. Elle se sentait outragée dans son ordinaire. Hélas, elle était trop sûre dans son âme de ce qu'elle affirmait. Le prisonnier reprit, sans paraître ému. « Eh bien, s'il va combattre ce brigand, s'il se dévoue à ce danger, il en sera de même. Il ne reviendra pas. » Pauvre est-elle ! Combien une parole dite avec indifférence peut quelquefois froisser douloureusement la plaie secrète d'un cœur inquiet et déchiré. Elle baissa son visage pâle pour dérober au regard froid de son père deux larmes qui s'échappaient malgré elle de ses paupières gonflées. « Oh, mon père » murmura-t-elle, « au moment où vous parlez ainsi, peut-être ce noble infortuné meurt-il pour vous ?» Le vieux ministre secoua la tête en signe de doute. « Je ne le crois pas plus que je ne le désire. Et d'ailleurs, où serait mon crime ? J'aurais été ingrat envers ce jeune homme, comme tant d'autres l'ont été envers moi. » Un soupir profond fut la seule réponse d'Ethel. Et Schumacher, se penchant vers son bureau, continua de déchirer d'un air distrait quelques feuillets des vies des hommes illustres de Plutarque, dont le volume, déjà lacéré en 20 endroits et surchargé de notes, était devant lui. Un moment après, le bruit de la porte qui s'ouvrait se fit entendre, et Schumacher, sans se détourner, cria sa défense habituelle. « Qu'on n'entre pas, laissez-moi, je ne veux pas qu'on entre. » « C'est son Excellence le gouverneur !» répondit la voix de l'huissier. En effet, un vieillard, revêtu d'un grand habit de général, portant à son cou les colliers de l'éléphant, de Dannebrog et de la toison d'or, s'avança vers Schumacher, qui se leva à demi en répétant entre ses dents « Le gouverneur ! Le gouverneur !» Le général salua avec respect Ethel, qui, debout près de son père, le considérait d'un air inquiet et craintif. Peut-être, avant d'aller plus loin, n'est-il pas inutile de rappeler, en quelques mots, les motifs de cette visite du général Levin à Munkholm. Le lecteur n'a pas oublié les fâcheuses nouvelles qui tourmentaient le vieux gouverneur, au chapitre 20 de cette véritable histoire. En les recevant, la nécessité d'interroger Schumacher s'était d'abord présentée à l'esprit du général. Mais il n'avait pu s'y décider sans une extrême répugnance. L'idée d'aller tourmenter un infortuné prisonnier, déjà livré à tant de tourments et qu'il avait vu si puissant, de scruter sévèrement les secrets du malheur, même coupable, déplaisait à son âme bonne et généreuse. Cependant, le service du roi l'exigeait. Il ne devait pas quitter Drontheim sans emporter les nouvelles lueurs qui pouvaient jaillir de l'interrogatoire de l'auteur apparent de l'insurrection des mineurs. C'était donc le soir qui devait précéder son départ qu'après un entretien long et confidentiel avec la comtesse d'Allefeld, le gouverneur s'était résigné à voir le captif. En se rendant au château, l'idée des intérêts de l'État, du parti que ses nombreux ennemis personnels pourraient tirer de ce qu'on nommerait sa négligence, et peut-être aussi d'astucieuses paroles de la grande chancelière, avait fermenté dans sa tête et l'avait ramené à la fermeté. Il était donc monté au donjon du lion de Schleswig avec des projets de sévérité. Il se promettait d'être avec le conspirateur Schumacher comme s'il n'avait jamais connu le chancelier Griffenfeld, de dépouiller tous ses souvenirs et jusqu'à son caractère, et de parler en juge inflexible à cet ancien confrère de faveur et de puissance. Cependant, à peine entré dans l'appartement de l'ex-chancelier, le visage vénérable, quoique morose, du vieillard l'avait frappé. La figure douce, quoique fière, d'Ethel l'avait attendrie. Et le premier aspect des deux prisonniers avait déjà dissipé la moitié de sa sévérité. Il s'avança vers le ministre tombé et lui tendit involontairement la main en disant, sans s'apercevoir que l'autre ne répondait pas à sa politesse, « Salut, comte de Griffen !» C'était la surprise d'une vieille habitude. Il se reprit précipitamment. « Seigneur Schumacher !» Puis il s'arrêta, tout satisfait et tout épuisé d'un tel effort. Il se fit une pause. Le général cherchait dans sa tête quelles paroles assez sévères pourraient dignement répondre à la dureté de ce début. « Eh bien !» dit enfin Schumacher. « Vous êtes le gouverneur du Trotémus. » Le général, un peu surpris de se voir questionné par celui qu'il venait interroger, fit un signe affirmatif. « En ce cas, reprit le prisonnier, j'ai une plainte à vous faire. »« Une plainte ? Laquelle ? Laquelle ?» Et le visage du noble Levin prenait une expression d'intérêt. Schumacher continua d'un air d'humeur. « Un ordre du vice-roi prescrit qu'on me laisse libre et tranquille dans ce donjon. »« Je connais cet ordre. »« Seigneur gouverneur, on se permet pourtant de m'importuner et de pénétrer dans ma prison. »« Qui donc ? » s'écria le général. « Nommez-moi celui qui ose. »« Vous, seigneur gouverneur. » Ces paroles, prononcées d'un ton hautain, blessèrent le général. Il répondit d'une voix presque irritée. Vous oubliez que mon pouvoir, lorsqu'il s'agit de servir le roi, ne connaît point de limite. Si ce n'est, dit Schumacher, celle du respect qu'on doit au malheur. Mais les hommes ne savent pas cela. L'ex-grand chancelier parlait ainsi, comme s'il se fût parlé à lui-même. Il fut entendu du gouverneur. Si vraiment, j'ai eu tort, comte de Griff, seigneur Schumacher, veux-je dire, je devais vous laisser la colère, puisque j'ai la puissance. Schumacher se tut un instant. Il y a, reprit-il, pensif, dans votre visage et dans votre voix, seigneur gouverneur, quelque chose d'un homme que j'ai connu jadis. Il y a bien longtemps, il n'y a que moi qui me souvienne de ce temps-là. C'était dans ma prospérité. C'était un certain Levin de Knid, du Mecklembourg. Avez-vous connu ce fou ? Je l'ai connu, répliqua le général sans s'émouvoir. Ah, vous vous le rappelez. Je croyais qu'on ne se souvenait des hommes que dans l'adversité. N'était-ce pas un capitaine de la milice royale ? Poursuivit le gouverneur. Oui, un simple capitaine, bien que le roi l'aimât beaucoup. Mais il ne songeait qu'au plaisir et ne montrait pas d'ambition. C'était une tête singulièrement extravagante. Conçoit-on une pareille modération de désir dans un favori ? Mais cela peut se concevoir. Je l'aimais assez, ce Levin de Knud, parce qu'il ne m'inquiétait pas. Il était l'ami du roi comme d'un autre homme. On eût dit qu'il ne l'aimait que pour son plaisir particulier et nullement pour sa fortune. Le général voulut interrompre Schumacher, mais celui-ci continua avec quelque opiniâtreté, soit par esprit de contrariété, soit que le souvenir réveillé en lui lui plut en effet. « Puisque vous avez connu ce capitaine Levin, seigneur gouverneur, vous savez sans doute qu'il eut un fils, lequel même est mort tout jeune, mais vous souvenez-vous de ce qui se passa à la naissance de ce fils ?» « Je me souviens bien plus de ce qui se passa à sa mort, » dit le général, en cachant ses yeux de sa main et d'une voix altérée. « Mais, » poursuivit l'indifférent Schumacher, « c'est un fait connu de peu de personnes et qui vous peindra toute la bizarrerie de ce Levin. Le roi voulait tenir l'enfant sur les fonds de baptême. Croiriez-vous que Levin refusa ? Il fit bien plus encore. » Il choisit pour le parrain de son fils un vieux mendiant qui se traînait aux portes du palais. Je n'ai jamais pu comprendre le motif d'un pareil acte de démence. « Je vais vous le dire, » répondit le général. En choisissant un protecteur à l'âme de son fils, ce capitaine Levin pensait sans doute qu'un pauvre est plus puissant auprès de Dieu qu'un roi. Schumacher réfléchit un instant et dit « Vous avez raison. » Le gouverneur voulut encore ramener la conversation au but de sa visite. Mais Schumacher l'arrêta. De grâce, s'il est vrai que ce levain du Mecklembourg ne vous soit pas inconnu, laissez-moi parler de lui. De tous les hommes que j'ai vus dans mes temps de grandeur, c'est le seul dont le souvenir ne m'apporte ni dégoût ni horreur. S'il poussait la singularité jusqu'à la folie, il n'en était pas moins, par ses nobles qualités, un homme tel qu'il y en a bien peu. Je ne pense pas de même. Ce levain n'avait rien de plus que les autres hommes. Il y en a beaucoup même qui valent mieux que lui. Schumacher croisa les bras en levant les yeux au ciel. Oui, voilà bien comme ils sont tous. On ne peut louer devant eux un homme digne de louange, qu'ils ne cherchent aussitôt à le noircir. Ils empoisonnent jusqu'au plaisir de louer justement. Il est cependant assez rare. Si vous me connaissiez, vous ne m'accuseriez pas de noirceur envers le jeune, c'est-à-dire le capitaine Levin. Laissez-moi, laissez-moi, dit le prisonnier. Pour la loyauté et la générosité, il n'y a jamais eu deux hommes comme ce Levin de Knud. Et dire le contraire, c'est à la fois le calomnier et louer démesurément cette exécrable race humaine. Je vous assure, reprit le gouverneur, cherchant à calmer la colère de Schumacher, que je n'ai eu contre Levin de Knud aucune intention perfide. Ne dites pas cela. Bien qu'il fût insensé, tous les hommes sont loin de lui ressembler. Ils sont faux, ingrats, envieux, calomniateurs. Savez-vous que Levin de Knud donnait aux hôpitaux de Copenhague plus de la moitié de son revenu? J'ignorais que vous en fussiez instruit. C'est cela, s'écria le vieillard d'un air triomphant. Il espérait pouvoir le flétrir en toute sûreté, dans la confiance que j'ignorais les bonnes actions de ce pauvre Levin. Mais non, mais non! Pensez-vous que je ne sais pas encore qu'il fit donner le régiment que le roi lui destinait à un officier qu'il avait blessé en duel, lui, Levin de Knud, parce que, disait-il, l'autre était plus ancien que lui? Je croyais cependant cette action secrète. Dites-moi donc, seigneur gouverneur du Drottemus, est-ce que, pour cela, elle en est moins belle? Parce que Levin cachait ses vertus, est-ce une raison pour les nier? Oh, que les hommes sont bien les mêmes! Osez confondre avec eux le noble Levin, lui qui, n'ayant pu sauver un soldat convaincu d'avoir voulu l'assassiner, fit une pension à la veuve de son meurtrier. Hé ! Qui n'en eût pas fait autant ? Ici, Schumacher éclata. Qui ? Vous ? Moi ? Tous les hommes, seigneur gouverneur. Parce que vous portez le brillant costume de général et des plaques d'honneur sur votre poitrine, croyez-vous donc à votre mérite ? Vous êtes général, et le malheureux Levin sera mort capitaine. Il est vrai que c'était un fou, et qu'il ne songeait pas à son avancement. S'il n'y a point songé lui-même, la bonté du roi y a songé pour lui. La bonté ? Dites la justice, si pourtant on peut dire la justice d'un roi. Eh bien, quelle insigne récompense lui a-t-on donné ? Sa Majesté a payé Levin de Knud bien au-delà de son mérite. À merveille ! S'écria le vieux ministre en frappant des mains. Un loyal capitaine vient peut-être, après 30 ans de service, d'être nommé major. Et cette haute faveur vous porte ombrage, noble général ? Un proverbe persan a raison de dire que le soleil couchant est jaloux de la lune qui se lève. Schumacher était tellement irrité que le général put à peine faire entendre ces paroles. Si vous m'interrompez sans cesse, vous m'empêchez de vous expliquer. Non, non, poursuivit l'autre. J'avais cru, seigneur général, saisir au premier abord quelques traits de ressemblance entre vous et le bon Levin. Mais, allez, il n'en existe aucun. Mais, écoutez-moi ! Vous écoutez, pour que vous me disiez que Levin de Knud est indigne de quelque misérable récompense. Je vous jure que ce n'est pas... Vous en reviendrez bientôt, je vous devine, vous autres hommes, à me soutenir qu'il est, comme vous tous, fourbe, hypocrite, méchant. En vérité, non. Que sais-je ? Peut-être qu'il a trahi un ami, persécuté un bienfaiteur, comme vous l'avez tous fait, ou empoisonné son père, ou assassiné sa mère. Vous êtes dans une erreur. Je suis loin de vouloir... Savez-vous que ce fut lui qui détermina le vice-chancelier Wind, ainsi que Schill, Winding et le justicier Lasson, trois de mes juges, à ne point opiner pour la peine de mort? Et vous voulez que je vous entende de sang-froid le calomnier? Oui, c'est ainsi qu'il a agi envers moi. Et pourtant je lui avais toujours fait plutôt du mal que du bien, car je suis semblable à vous, vil et méchant. Le noble Levin éprouvait, durant cet étrange entretien, une émotion singulière. Objet à la fois des outrages les plus directs et de la louange la plus sincère, il ne savait quelle contenance faire à d'aussi rudes compliments, à tant de flatteuses injures. Il était choqué et attendri. Tantôt il voulait s'emporter, tantôt remercier Schumacher. Présent et inconnu, il aimait à voir le farouche Schumacher défendre en lui et contre lui un ami et un absent. Seulement, il eût voulu que son avocat mît un peu moins d'amertume et d'âcreté dans son panégyrique. Mais, au fond de l'âme, les éloges furieux donnés au capitaine Levin le touchaient plus que les injures adressées au gouverneur de Trondheim ne le blessaient. Attachant sur le favori disgracié son regard bienveillant, il prit le parti de lui laisser exhaler son indignation et sa reconnaissance. Celui-ci, enfin, après une longue déclamation contre l'ingratitude humaine, tomba épuisé sur son fauteuil dans les bras de la tremblante Ethel, en disant d'une voix douloureuse « Oh, homme, que vous ai-je donc fait pour vous être fait connaître à moi ?» Le général n'avait pas encore pu arriver au sujet important de sa descente à Munkholm. Toute sa répugnance à tourmenter le captif d'un interrogatoire lui était revenue. À sa pitié et à son attendrissement se joignaient deux raisons assez fortes. L'état d'agitation où était tombé Schumacher ne laissait pas espérer qu'il pût répondre d'une façon satisfaisante. Et d'ailleurs, en envisageant l'affaire en elle-même, il ne semblait pas au confiant Levin qu'un pareil homme pût être un conspirateur. Néanmoins, comment partir de Trondheim sans avoir interrogé Schumacher? Cette nécessité fâcheuse de sa position de gouverneur vainquit une fois encore toutes ses hésitations. Et ce fut ainsi qu'il commença, en adoucissant le plus possible l'accent de sa voix. « Veuillez calmer un peu votre agitation, comte Schumacher. » C'était d'inspiration que le bon gouverneur avait trouvé cette qualification, comme pour concilier le respect dû au jugement de dégradation avec les égards réclamés par le malheur du dégradé, en unissant son titre nobiliaire à son nom roturier. Il continua. C'est un devoir pénible pour moi que de venir. Avant tout, interrompit le prisonnier, permettez-moi, seigneur gouverneur, de vous reparler d'une chose qui m'intéresse beaucoup plus que tout ce que votre excellence peut avoir à me dire. Vous m'avez assuré tout à l'heure qu'on avait récompensé ce fou de Levin de ses services. Je désirerais vivement savoir comment. Sa Majesté, seigneur de Grimfenfeld, a élevé Levin au rang de général, et depuis plus de 20 ans, ce fou vieillit paisiblement, honoré de cette dignité militaire et de la bienveillance de son roi. Schumacher baissa la tête. Oui, ce fou de Levin, auquel il importait si peu de vieillir, capitaine, mourra général, et le sage Schumacher, qui comptait mourir grand chancelier, vieillit prisonnier d'État. En parlant ainsi, le captif couvrit son visage de ses mains, et de longs soupirs s'échappaient de sa vieille poitrine. Ethel, qui ne comprenait de l'entretien que ce qui attristait son père, chercha sur-le-champ à le distraire. « Mon père, voyez donc là-bas, au nord, on voit briller une lumière que je n'ai pas remarquée les soirées précédentes. » En effet, la nuit, qui était tout à fait tombée, faisait ressortir à l'horizon une lumière faible et lointaine, qui semblait partir du sommet de quelque montagne éloignée. Mais l'œil et l'esprit de Schumacher ne se dirigeaient pas incessamment comme ceux d'Ethel vers le nord. Aussi ne répondit-il point. Le général seul fut frappé de l'observation de la jeune fille. « C'est peut-être, se dit-il en lui-même, un feu allumé par les révoltés. » Et cette idée lui rappelant avec force le but de sa présence, il adressa la parole au prisonnier. « Seigneur Griffenfeld, je suis fâché de vous tourmenter, mais il faut que vous subissiez... »« J'entends, seigneur gouverneur, ce n'est pas assez de passer mes jours dans ce donjon, de vivre flétri et abandonné, de n'avoir plus à moi que des souvenirs amers de grandeur et de puissance. Il faut encore que vous violiez ma solitude pour scruter mes douleurs et jouir de mon infortune. Puisque ce noble levain de Knud... que plusieurs traits extérieurs de votre personne m'ont rappelé, est général comme vous. Il eût été trop heureux pour moi qu'on lui donnât le poste que vous occupez. Car ce n'est pas lui, je vous jure, seigneur gouverneur, qui fut venu tourmenter un infortuné dans sa prison. » Durant le cours de cet entretien bizarre, le général avait été plus d'une fois sur le point de se nommer afin de le faire cesser. Ce reproche indirect de Schumacher lui en ôta le pouvoir. Il s'accordait si bien avec ses sentiments intérieurs qu'il lui inspira comme un sentiment de honte de lui-même. Il essaya néanmoins de répondre à la supposition accablante de Schumacher. Chose étrange, par la seule différence de leur caractère, ces deux hommes avaient changé réciproquement de position. Le juge était en quelque sorte réduit à se justifier devant l'accusé. « Mais, dit le général, si le devoir l'y eût contraint, ne doutez pas que le vin de Knud... » « J'en doute, noble gouverneur, » s'écria Schumacher. « Ne doutez pas vous-même qu'il n'eût rejeté, avec toute la généreuse indignation de son âme, l'emploi des pieds et d'accroître les tortures d'un malheureux captif. Allez, je le connais mieux que vous. En aucun cas il n'eût accepté les fonctions de bourreau. Maintenant, seigneur général, je vous écoute. « Faites ce que vous appelez votre devoir. Que veut de moi votre excellence ?» Et le vieux ministre attachait son regard fier sur le gouverneur. Toute la résolution de celui-ci était tombée. Ses premières répugnances s'étaient réveillées, et réveillées invincibles. « Il a raison, » se disait-il en lui-même, « venir tourmenter un malheureux sur de simples soupçons. Qu'on en charge un autre que moi. » L'effet de ses réflexions fut prompt. Il s'avança vers Schumacher, étonné, et lui serra la main. Puis, sortant précipitamment, « Comte Schumacher, » dit-il, « conservez toujours la même estime à Levin de Knud.